Tantôt, on les a toutes lues. OK. OK. OK. Ça marche. Peut-être que si on viendrait sur la personnalisation du mental, ça a peut-être été moins parlé un petit peu avant, puis il y a une couple de questions qui étaient d'ailleurs dans la suite. On parlait des personnalités et des réalités. OK. OK. On va commencer avec les réalités. Bon, dernièrement, je disais que notre monde réel était une réalité coordonnée. Alors, une réalité coordonnée, c'est l'expression d'une illusion. Et toute réalité perceptible par l'humain est une réalité coordonnée. Quel que soit son plan de perception, son plan d'expression, son plan de vibration, c'est une réalité coordonnée. La question pourrait se poser comme suit: qui coordonne les réalités humaines? La réponse est qu'une partie de ces réalités coordonnées le sont par l'humain lui-même, l'humain régi par le monde des morts. Et une autre partie des réalités coordonnées sont coordonnées par l'esprit humain. Alors, il y a différentes réalités. On peut plutôt dire qu'il y a différents plans de perception des réalités. Et les personnalités sont régies par une accolation à ces plans de réalité. Qu'est-ce qu'une réalité dans le domaine de l'homme? La première forme de réalité, une réalité actuelle, c'est la réalité que celui qui évolue appelle l'illusion. La réalité psychologique qui permet à l'humain d'envisager un monde comme dans sa conceptualisation psychologique, celui-ci tend à naître, à vivre et à mourir. Alors l'humain qui regarde une fleur et qui la trouve belle peut dire c'est une réalité. C'est une réalité actuelle, mais une réalité coordonnée par ses propres mécanismes d'assujettissement. Son émotion, ses pensées, ses mémoires, son expérience. Tout ce que cet humain peut, à un moment donné, exprimer comme réalité, mais qui ne sont pas encore exprimés dans ce que lui perçoit comme conscience, font partie d'une réalité potentielle. La réalité potentielle, ce n'est pas une réalité qui a la probabilité d'être exprimée. La réalité potentielle, c'est une réalité qui sera certainement, avec certitude, exprimée à un moment donné. On peut même dire que la réalité potentielle, pour être plus précis, est une réalité qui est exprimée, mais qui n'est pas conscientisée par celui qui a une conscience de réalité. La réalité actuelle serait donc l'expression même d'un monde conceptualisé par un ego, par un esprit égoïsé, donc par un âme, par un humain. Et cette expression, elle est conscientisée, c'est la réalité actuelle. Lorsque la réalité est potentielle, c'est qu'elle est exprimée, mais non conscientisée par celui qui l'exprime. Alors, lorsque moi je regarde les humains, je peux dire, telle réalité est exprimée par toi. Et la personne va me dire, non, là tu penses à ma place, là tu penses ce que je devrais penser, là tu essayes de dire, non, c'est une réalité actuelle dans la vision que j'ai de la personne, mais c'est une réalité potentielle parce qu'il n'en a pas conscience. Et une réalité potentielle n'est jamais régie par les mécanismes de l'inconscient, du subconscient, de l'hyperconscient et de la conscience. Potentiel veut dire non conscientisé, quelle que soit l'étape vibratoire de la conscientisation. On a d'autres formes de réalité. Donc, de prime abord, la réalité est coordonnée. Est celle qui sera perceptible par l'humain tant que l'humain restera terrestrifié. Et cette réalité coordonnée, donc ce monde d'illusion qui apparemment change de visage pour apparaître sous forme de nouvelles réalités, se retransformera encore une fois en illusion pour renaître en nouvelle réalité. C'est un monde de réalité coordonnée, donc c'est un cadre matériel qui n'exprime pas l'énergie telle qu'elle est. À travers cela, lorsque l'humain perçoit une réalité dans le monde qui est perceptible par lui et que cette perception est conscientisée, cela s'appelle réalité actuelle. Et lorsque cette perception n'est pas conscientisée, ou la perception de l'expression n'est pas conscientisée, c'est une réalité potentielle. On a d'autres formes de réalité comme une réalité existentielle et une réalité expérientielle. La réalité existentielle, c'est la réalité absolue. La réalité existentielle, c'est une réalité qui n'est pas conceptualisable, qui peut par contre être prononçable, on peut en parler. Et c'est une réalité qui n'est pas soumise à l'évolution, donc qui n'est pas soumise au mécanisme du temps, donc de l'espace. Une réalité existentielle, c'est qu'il y a un centre dans cet univers qui n'a pas de point dans l'espace, qui n'est pas localisé dans l'espace, mais qui est présent dans l'univers. C'est une réalité existentielle. Lorsque l'être humain, par l'intermédiaire de son ajusteur de pensée, entre en contact avec l'énergie supramentale, il n'est plus expérientiel, il devient existentiel. De ce fait, il a accès à la vision claire de ce qui est, c'est-à-dire qu'il pénètre dans un monde qui n'existe que par le fait même que ce monde n'est pas temporalisé, ni mémorisé, ni conscientisé comme l'être humain le conçoit. L'être humain pense souvent que conscientiser quelque chose, ça veut dire le comprendre et en mémoriser la compréhension. Ça, c'est une conscientisation expérimentale ou expérientielle, pour être précis. Alors, lorsque je parle de conscientisation, je ne parle pas de conscientisation expérientielle, je parle de conscientisation pure. La cellularisation est une conscientisation expérientielle. C'est la mémorisation de la compréhension. Ou la cristallisation de la conscientisation. Et ce n'est pas ce genre de conscientisation qui regarde la réalité existentielle. La réalité expérientielle, c'est tout ce qui est régi par le temps et l'espace, donc l'être humain est une réalité expérientielle pour l'instant, c'est-à-dire qu'il expérimente, expérimentant, il mémorise, mémorisant, il se souvenant, il s'assujette au monde des morts. S'assujettissant au monde des morts, il recherche ses souvenirs, se recherchant ses souvenirs, il se tue lui-même pour pouvoir réintégrer ce qu'il a créé, donc il revient au monde des morts, ce qui fait que l'être humain passe toujours d'une étape à l'autre, de la vie à la mort, de la mort à la vie, de la vie à la mort, de la mort à la vie. Lorsque l'être humain voudra, ou lorsque l'être humain aura l'énergie, la vibration, l'intelligence, pour arriver à se soustraire de l'attraction du monde des morts, alors automatiquement l'être humain va cesser d'être attiré, de se connecter à la réalité expérientielle, la pensée entre autres, qui est une expression très subtile, très sublime de la réalité expérientielle, et l'être humain va devenir une réalité existentielle qui existe par le fait même qu'elle n'a pas besoin d'exister pour être. Cela veut dire qu'elle existe en se foutant royalement de savoir si le temps, si l'espace va lui permettre d'exister. Lorsque je disais vendredi que Dieu n'était pas une créature, que Dieu n'était pas le créateur, même le Dieu que l'on voudra émettre, le seul Dieu créateur, c'est le Dieu placé par l'être humain dans l'astral, le Dieu qui crée l'âme, qui crée l'humain, non pas l'humain biologique. Ça, c'est la Terre et l'énergie vitale qui s'en occupe. Non, non. Le Dieu qui crée l'humain, le Dieu qui crée l'âme, et le Dieu qui rappelle les âmes vers lui, vers le ciel, ce Dieu-là est créateur. En ce sens qu'il est exprimateur dans la réalité, parce que l'être humain, pour créer, comme le Dieu dans le ciel, pour créer, qu'est-ce que c'est créer au niveau humain? Qu'est-ce que c'est que la création au niveau du palier humain? La création, c'est l'expression d'une chose existentielle de façon à ce qu'elle devienne expérientielle. Ça, c'est la création, au niveau de l'humain. Lorsqu'une chose existentielle est exprimée par un humain ou par un Dieu humanisé, elle devient expérientielle. Donc, elle devient mémoire. Elle devient formelle. Elle devient assujettissable. Elle devient assujettissement. Cela veut dire que lorsque l'être humain prend quelque chose qui existe, mais sans temps et sans espace, donc qui ne peut pas être vu, qui ne peut pas être perçu par une forme expérientielle et qui la transforme, par exemple, je crée un verre. Alors, ce verre est maintenant expérientiel. Il a la mémoire de lui-même. Il se souvient de sa forme. Donc, il garde sa forme dans une rigidité cadavérique. Et cette chose créée est maintenant expérientielle. La création, ce n'est pas comme la créativité. La créativité, c'est autre chose. La créativité, c'est une transmutation des choses expérientielles en autre forme expérientielle. La création, c'est lorsque l'on prend une chose existentielle pour pouvoir l'exprimer sous forme expérientielle. Et le Dieu dans le ciel, le Dieu connu de l'humanité amique, le Dieu qui crée des âmes, qui donne des âmes, qui sauve les âmes, qui instruit les âmes et qui ramène les âmes, et qui veut parfaire les âmes, ce Dieu dans le ciel ne crée pas dans le sens où il va chercher quelque chose d'existentiel pour le transmuer en phénomène expérientiel. Et si on regarde le Dieu suprême, donc le point mère, le point source, le point où tout a été créé, où tout a été soumis au devoir du temps et de l'espace, donc à l'expérience, où tout a été régi en mémoire. Alors, on ne parle pas de création. Ce Dieu est une création. Et il ne peut pas avoir de séparation entre ce mécanisme de création. Ce n'est pas une création active, ce n'est pas une action créatrice. C'est un phénomène coordonné, similaire, intrinsèque, fusionné, d'expression du temps et de l'espace dans le même mécanisme d'expression. C'est une création. Alors donc, si on veut parler de Dieu comme être suprême, comme ce que l'on voudra, mais comme point privilégié de l'apparition des univers, on parle d'une création. C'est une énergie en action, transmutative. Ça ne peut pas être personnalisable, ni être personnifiable. Le Dieu connu de lui-même est un Dieu personnifiable parce que c'est un Dieu régi par le monde des mémoires, donc par le monde des formes. Alors, on peut arriver à former un Dieu et à pouvoir prier ce Dieu. Un Dieu régi par le monde des morts et un autre régi par le monde morontiel. Là où l'évolution des âmes se font après le monde des morts. Donc, la réalité existentielle, la réalité expérientielle, c'est deux mécanismes qui font partie des réalités et on ne peut pas parler dans le monde de l'humain, dans le monde de la Terre, de l'illusion sans comprendre que l'illusion est un des paliers, un des degrés d'expression d'une réalité. L'illusion est réelle. Et l'illusion n'est perceptible que par le fait que l'on perçoit une nouvelle réalité, sinon il n'y a pas d'illusion. Une illusion apparaît au visage de l'humain lorsque l'humain reconnaît une autre forme ou un autre palier de réalité. L'être humain ne peut pas dire que ceci est une illusion s'il ne perçoit pas une autre réalité englobant l'ancienne réalité qu'il appelle maintenant illusion. Non, c'est pas tout, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'une réalité absolue? Qu'est-ce qu'une réalité absolue? Coordonnée et une réalité absolue incoordonnée. Qu'est-ce qu'une réalité sub-absolue, sur-absolue? Une réalité absolue coordonnée. Regardez ceci. Il y a la Terre. Il y a les mécanismes énergétiques qui entourent la Terre. Ces mécanismes permettent à la planète Terre d'être en relation avec un système planétaire régi par un hémisphère solaire, le Soleil. Ce système planétaire, ce système solaire est dans une galaxie, la Voie lactée. Cette galaxie appartient à un univers. Cet univers est régi par ce qu'on appelle ésotériquement un super-univers. C'est-à-dire un ramassis d'univers qui sont un ramassis de galaxies, qui sont un ramassis d'étoiles à système solaire, qui sont un ramassis de planètes, qui sont un ramassis de lunes. Ces super-univers sont en orbite autour d'un foyer particulier, mais cette orbite n'est pas... Elle est presque géostationnaire, même si c'est une orbite. Et ces super-univers sont dans un domaine, dans un monde qu'on appelle finalement l'univers. il y a plus qu'un super univers. Et ce n'est pas parce que on s'en va tout petit que l'être humain est tout petit. L'être humain part du centre et a les pieds sur la Terre. Même s'il va de soi qu'au niveau évolutif, la planète Terre est en superficie périphérique de ce grand univers. S'il y a un endroit qui est le plus éloigné du centre, ben c'est la Terre. C'est là qu'on se trouve, dans l'espace. Une réalité absolue, coordonnée, ce sont les planètes. Ce sont les soleils. Ce sont les trous noirs. Ce sont les astéroïdes. Ce sont les émissions photoniques, les émissions d'hélium, des réactions d'explosion et d'implosion solaire. Ce sont les émissions de photons. Ce sont tout ce qui existe au niveau atomique, subatomique. Ça, c'est la réalité absolue coordonnée. Elle est coordonnée parce qu'elle a, elle est matérialisée. Elle a une structure régie par une loi particulière qui s'appelle l'attraction. Mais il y a aussi une réalité absolue incoordonnée. Et cette réalité absolue incoordonnée n'est pas régie par l'attraction, donc n'est pas régie par l'amour. Et il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas régies par l'amour. Il y a des mécanismes qui peuvent même toucher l'homme qui ne sont pas régis par l'amour. Je ne parle pas des mécanismes lucifériens ou sataniques, les autres sont régis par l'amour. Donc des mécanismes évolutifs qui servent de catalyseurs dans l'évolution de l'humain. Ils ne sont pas régis par l'amour, donc l'être humain ne peut pas les attirer à lui. C'est ces personnages même, je dis personnages parce que c'est, ça personnifie le mécanisme, ces entités énergétiques, ces formules d'énergie viennent mécaniquement, mais pas par attraction. C'est différent, on va en reviendra plus tard. Une réalité absolue et coordonnée, c'est tout ce qui sert d'élément permettant à la réalité absolue coordonnée de pouvoir exister. Cela veut dire qu'entre la Lune et la Terre, je donne un exemple, c'est un petit peu plus compliqué, mais un jour on compliquera plus, pour simplifier. La Lune, c'est une réalité absolue coordonnée. Elle est coordonnée, elle est matière, elle reste. La Terre est une réalité absolue coordonnée. Et entre la Lune et la Terre, il y a une réalité absolue incoordonnée. Incoordonnée veut dire qu'elle n'a pas été, qu'elle n'a pas d'intention. Elle n'est pas intentionnelle. Donc, elle n'expérimente pas. Elle est existentielle, elle n'est pas expérientielle. Et elle ne peut que permettre le passage d'un phénomène expérientiel au travers d'elle sans en retenir la mémoire, sans que celui-ci en laisse de traces. Alors, la réalité absolue et coordonnée permet donc aux photons, qui sont une réalité absolue coordonnée, de partir du Soleil, autre réalité absolue coordonnée, de traverser pour pénétrer la Terre, autre réalité absolue coordonnée, en traversant ce qu'on appelle l'espace, mais l'espace n'est pas ce qu'on pense. La réalité absolue et coordonnée n'est donc pas régie par les lois de la réalité absolue coordonnée, ce qui fait que l'espace-temps, dans certains domaines où on va toucher, goûter, approcher la réalité absolue et coordonnée, n'est pas, dans cet espace-temps, ce qu'on appelle espace-temps, mais en fin de compte, il n'est ni espace ni temps, permet à des particules de réalité absolue coordonnée de pouvoir voyager, ou de pouvoir être transférées, ou de pouvoir muter, évoluer, s'améliorer, ou se densifier, évoluer, à des vitesses, dans des contextes tout à fait différents de ce que l'on connaît au niveau des lois des réalités absolues coordonnées, comme la planète Terre. Cela veut dire qu'un vaisseau spatial peut, par exemple, partir du Soleil et se diriger vers Alpha du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière de la planète Terre. Donc, à la vitesse photonique, à la vitesse de la lumière, ça devrait prendre 4 années, 3 à ce vaisseau spatial pour atteindre Alpha du Centaure. Et si ce vaisseau traverse une région qui est cette réalité absolue incoordonnée, il peut prendre 2 secondes pour se rendre à Alpha du Centaure, comme il peut prendre 2 millions d'années-lumière. Alors donc, les lois qui régissent les conditions des réalités absolues coordonnées ne sont pas les mêmes lois qui vont régir les conditions des réalités absolues incoordonnées. Ce n'est pas l'attraction qui régit les lois. Il y a une seule loi fondamentale dans ce qui est absolu coordonné, donc dans ce que l'être humain appelle la création, et c'est la loi d'attraction. Celle-ci crée et constitue toutes les lois subséquentes qui vont maintenant régir l'évolution humaine. L'attraction ou l'amour, l'amour sur lui-même crée des réactions. Les réactions l'une sur l'autre créent d'autres réactions. Les réactions, les relations entre les réactions et l'amour créent d'autres phénomènes. Et c'est de ces phénomènes, de ces réactions, de ces résultats, de ces corrélations, de ces relations que vont naître tous les mécanismes de loi, donc légalisant l'évolution de tous les plans de l'humain comme de tous les plans des univers. L'ajusteur de pensée est une réalité coordonnée. L'énergie supramentale est une réalité coordonnée. Et l'être humain aura quand même une tendance à travailler de temps en temps avec des réalités absolues incoordonnées. Peut-être assez remarquable. Vas-y. Quand tu as parlé la première partie de l'être humain qui est capable, à un moment donné, un jour, de reculer l'astral de lui puis de créer un canal qui permet d'aller dans l'éther, ce canal-là, je l'avais, puis je l'ai perdu. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Ça va revenir pour se passer en un autre. OK. Si on parle de ce que tu dis qui est coordonné, puis. Bon, l'individu qui. Ça vient puis ça part. Ça vient ou si j'en parlais, ça sera. C'est parce qu'il ne faut pas t'en parler. On pense à d'autres choses. Bon, je vous pose une question aussi. Là, si ça s'en va. Oui, ça se tient. Ça se tient avec ça. Quand l'homme rejoint son double éthérique et qu'il revient sur Terre, se souvient-il de sa vie antérieure? Non. Premièrement, l'âme ne rejoint pas comme tel le double éthérique, c'est-à-dire que ce n'est plus une âme qui... C'est une âme... C'est un esprit amique, le terme que j'avais employé. L'esprit amique. L'esprit amique, donc l'âme est spiritualisée, pour bien faire des connexions avec spirituel par rapport au spiritisme. L'âme est spiritualisée, ou l'âme spirituelle, si on comprend le terme, n'est pas une âme qui a de l'ego, c'est pas une âme qui a des mémoires, c'est pas une âme qui a une vie antérieure, c'est pas une âme qui a une vie, c'est une âme qui a de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie antérieure de l'esprit? C'est tout avant même le début, et antérieur veut aussi dire tout après même la fin. Alors, est-ce qu'un esprit amique qui revient dans un corps se rappelle de sa vie antérieure? Autrement dit, pour clarifier, est-ce que l'esprit amique qui revient dans un corps a une conscience absolue? Et lorsque je parle de conscience absolue, cela veut dire que l'être humain n'a plus rien à apprendre d'aucun des plans de l'existentialité ou de l'expérientialité de cet univers, de ce continuum spatio-temporel. Cela veut dire une conscience absolue, que tu as la conscience de l'absolu coordonné, incoordonné et de toutes les formes de réalité possibles imaginables. Tu as même une conscience des réalités super absolues, qui ne sont pas régis par l'existentialité, donc ce sont un phénomène qui n'est même ni expérientiel, ni existentiel, qui est au-delà de ce qui génère en énergie ce qui est l'expérience de ces galaxies. Alors donc, lorsque l'esprit amique rejoint l'ajusteur de pensée, il ne fait que se retirer d'un mécanisme attractif du monde des morts, et lorsque l'ajusteur de pensée et lui vont pouvoir s'ajuster ensemble, ce qui va se passer, il va simplement se passer ceci, c'est que l'ajusteur de pensée, donc l'esprit maintenant, le double éthérique, parce que c'est le double éthérique qui attire, c'est pas l'ajusteur de pensée, c'est le double éthérique qui attire l'esprit amique. Lorsque le double éthérique et l'esprit amique peuvent se fusionner ensemble, d'ailleurs c'est une fusion qui peut se faire à partir du monde même du vivant, c'est-à-dire que lorsque tu arrives à faire une fusion avec ce qu'on appelle la fusion elle-même, évidemment, il y a une fusion des personnalités réincarnatives, il y a une fusion des pré-personnalités réincarnatives, il y a une fusion entre les quatre plans planétaires, et par la suite, il y aura une fusion entre l'esprit amique et le contexte du double éthérique au niveau supramental. Cette fusion peut se faire dans le plan des morts si tu ne meurs pas. Donc, ton physique peut mourir, mais toi, tu ne meurs pas, c'est-à-dire que tu ne viens pas te faire englober par le monde des morts. Tu reconnais la lumière de ton double éthérique, ce qui fait que tu ne vas pas vers la lumière du monde des morts, vers ce ciel. Et te fusionnant au double éthérique, tu peux soit, si tu as encore un travail à faire au niveau planétaire, réintégrer un corps physique. Ce qui t'a remarqué, c'est qu'à ce niveau de fusion avec le double éthérique, tu peux mort physiquement ou vivant physiquement. Évidemment, tu n'es pas mort au niveau du reste. Tu peux soit te créer un corps physique à partir de la matière éthérique planétaire, donc tu n'as pas besoin d'être enfanté. Tu peux aussi prendre le cheminement plus conventionnel de l'animal biologique et être enfanté normalement. Maintenant, les mécanismes de cette personne, lorsqu'elle apparaît dans le corps physique, elle n'a quand même pas est important. Lorsqu'un esprit amique qui est maintenant fusionné à son dôme éthérique revient au niveau planétaire, s'il se crée un corps, ça va. S'il se crée un corps, il ne peut pas être en affinité parfaite avec le domaine de l'humain. Il lui manque des connotations, il lui manque des colorations, il lui manque des outils pour pouvoir connaître de la même façon l'expérience planétaire que s'il était venu au monde par une naissance conventionnelle. Même si cette fécondation est faite d'une façon éthérique, donc n'est pas faite par copulation entre un homme et une femme, si l'esprit amique fusionné au double éthérique revient par le processus de la gestation, donc de l'enfantement, automatiquement il aura subi tous les mécanismes qui vont lui permettre d'être tout à fait connecté au monde terrestre. Alors il pourra dire « je suis un humain connecté à un Dieu ». Si le double éthérique constitue un corps matériel, un corps de lumière qu'il va densifier jusqu'à un point tel où tu pourras le voir, parce qu'évidemment, un double éthérique, c'est visible, lorsque ce corps est là, tu n'as pas l'expérience, à moins que tu sois déjà régi par un autre corps planétaire, par exemple. Moi, j'ai un double éthérique, je peux aussi le densifier quelque part. Mais si tu es mort, tu viens là, tu te crées un corps éthérique, tu pourras rencontrer des personnalités, tu pourras travailler dans le monde de l'évolution pour arriver à parfaire certaines choses, tu pourras devenir un perfecteur d'humanité. Mais si tu veux, ou si tu as des qualités à finaliser au niveau de ton propre expérience planétaire pour pouvoir finaliser la constitution du double éthérique, parce que c'est la transmutation de l'âme en double éthérique qui constitue le double éthérique, ce qui fait que si le double éthérique n'est pas continuellement complètement construit, tu devras revenir rechercher une âme, revivre, expérimenter une âme pour après ça transmuer cette âme-là pour finaliser ton corps éthérique. Cela veut dire que lorsque la personne elle est dans ce monde vivant, de l'après-mort physique, mais dans le monde des vivants, qui n'a rien à voir avec le monde des morts ni le monde morantiel, cette personne qui est assujettie maintenant, disons, qui est fusionnée ce double éthérique, cet esprit amique fusionné au double éthérique, si le double éthérique n'est pas complet, cette personne va donc retraverser les sphères astrales pour pouvoir revenir dans un fœtus, donc dans des cellules qui seront dans un ovule, soit qu'elle sera fécondée par un spermatozoïde, soit qu'elle sera fécondée énergétiquement, et automatiquement, ça enfantera un enfant normal qui sera un être humain, parce que le processus de la gestation est le processus par lequel l'âme peut prendre possession du corps physique, donc le processus par lequel la coloration du monde des morts vient s'incruster dans le corps physique, empêchant maintenant l'esprit, de pouvoir venir communiquer avec le monde de la matière. L'enfant qui va naître aura donc quelques années à vivre comme un enfant normal. Il aura quelques années à accepter d'être ce qu'il est. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va frapper à sa porte, qui va lui dire, « Bon, ben là, l'âme, là, c'est tout toi, ça, c'est bébé beau, là, il faudra que tu retournes dans le monde des morts, parce que maintenant, c'est moi l'esprit qui vais prendre la place. » Alors l'âme va, si le corps a été bien structuré par l'esprit, c'est-à-dire que si c'est une fécondation qui n'est pas spermatozoïdale, alors automatiquement l'âme va être en vibration résonante, c'est un âme ajustée, ce n'est pas un âme tel qu'on le connaît au niveau du monde des morts, c'est la partie la plus intéressante de ce monde des morts, la partie la plus subtile, la plus haute, qui n'est presque pas densifié, presque pas perceptible du monde des morts, qui va constituer cette âme. Alors, normalement, l'âme, il n'y a aucun problème. L'âme va dire, parfait, j'accepte. Acceptant, l'âme est automatiquement non pas éjectée. Dans l'Antiquité, l'âme était éjectée. Aujourd'hui, l'âme ne peut plus être éjectée. L'âme va être automatiquement supramentalisée pour finaliser le corps éthérique, le double éthérique. Ce qui fait que cette personne a maintenant un corps physique avec toute l'expérience planétaire, un double éthérique finalisé. Donc, elle vit une bilocation après être revenue au monde, donc après être renée biologiquement. Elle va se remettre au monde au niveau énergétique. Ça sera donc la xième fois que biologiquement elle va naître et la deuxième fois que, comme telle, elle se met au monde de son vivant. La personne qui est vivante et qui, par la supramentalisation de son âme, constitue ce corps double éthérique, par le très premièrement, elle doit constituer un troisième cerveau, un cerveau éthérique, ça va de soi, qui va être régi par la résonance pinéale au niveau de sa correspondance biologique. Et la personne, par ce troisième cerveau, entre en contact avec l'ajusteur de pensée, ce qui lui permet d'aller créer un canal au niveau de l'énergie supramentale, et par la suite, elle pourra transfuser son âme au niveau supramental, donc elle perdra l'ego, pour être remplacée par l'intelligence, donc elle perdra la mémoire, et elle perdra l'expérience, elle perdra tout ce qui la régit, tout ce qui l'attache au monde des morts, pour pouvoir lentement créer un double éthérique, un double lumineux, lumière, mais c'est pas lumineux flashlight, et énergétiquement lumineux. Alors cette personne, de son vivant, se crée un double éthérique, ce qui fait qu'à la fin ou bien le double éthérique qui est... mental, transfuse suffisamment d'énergie vitale pour que le corps physique rajeunisse et ne meure plus tant que cela est nécessaire. Et lorsque cela n'est plus nécessaire, le corps physique va être désintégré en lumière et tout cela, tout disparaît simplement. Cela va être amené. Alors voilà en ce qui concerne le contact avec le double éthérique après la mort. Si la personne aurait presque fini la construction de son corps éthérique, ce ne sera pas plus avantageux, comme tu disais vendredi, qu'elle ait une extension de vie pour le finir plutôt que de revenir? Exactement. C'est pourquoi il y aura donc une technique qui... Il y a une technique. Il y aura d'autres aussi. Qui vont permettre à certains corps physiques de pouvoir subir une extension de vie, c'est-à-dire de ne pas mourir lorsque normalement ils devraient mourir. Si leur énergie mentale est suffisamment ancrée au niveau de leur plan physique et suffisamment énergisée par leur ajusteur de pensée, alors il y aura possibilité que cette technique devienne assimilable et praticable par l'individu, ce qui fait qu'automatiquement il va réénergiser son plan physique, son plan vital et les plans qui suivent, pour pouvoir aller chercher une extension de vie qui peut être de 6 mois, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans, de 200 ans. Cela est faisable. Regarde ceci. Premièrement, il faut comprendre, ça peut frustrer bien du monde. Bon, c'est intéressant à dire. Maintenant que je le sais, je n'ai plus besoin de le dire. C'est que l'être humain, pour aller chercher une extension de vie, doit devenir stérile. Celui qui est stérile n'a pas nécessairement une extension de vie, mais celui qui va aller chercher une extension de vie doit devenir stérile. De même que celui qui devient immortel est stérile. Pour la simple raison que la procréation, c'est le mécanisme qui permet la réincarnation de ton vivant. Alors, lorsque tu n'as plus besoin de te réincarner, alors évidemment, tu ne procrées plus. Alors, on va dire, oui, mais les enfants vont naître comment? Ça, c'est pas un problème. Les enfants vont naître énergétiquement. Ça, il n'y a aucun problème. Si l'humanité ne procrée plus, les femmes qui ne veulent pas être enceintes tomberont enceintes quand même. Puis quand on dit tomber, c'est faire attention, ils ne tombent pas. Mais ils deviendront enceintes quand même. Ça ne regarde pas les femmes. Ça, les femmes, la femme est là un phénomène psychologique, mais son corps physique n'est pas régi par sa psychologie. Pour l'instant, il l'est parce que c'est le corps physique qui donne l'expérience à l'âme. Mais à un moment donné, la femme elle se foutra carrément de savoir si elle est enceinte ou pas enceinte. C'est-à-dire, lorsqu'elle sera enceinte, elle accouchera et l'enfant sera éduqué par les éducateurs. Et puis, c'est tout. Tandis qu'aujourd'hui, la femme fait de l'enfantement, du phénomène d'être enceinte, un fait qui lui est propre, alors que ça ne le regarde pas du tout. Pour réutiliser les termes que tu as pris tantôt, création puis créaction, là. L'être humain, bon, justement, on revient à l'affaire de tantôt. Je sais pas si on va leur parler. Bon, ben là, dis-le, là. L'être humain qui crée ce canal-là dans son corps éthérique, c'est quoi par rapport au... Vu que c'est la première fois pour lui qu'il crée quelque chose à partir de rien, est-ce que c'est de la création ou de la création? Et répète. L'être humain, vu que c'est une... Il crée, ben, en tout cas, je suppose qu'il crée à partir de rien son corps éthérique, c'est-à-dire que c'est pas créé à partir d'un réaménagement de forme, puisque c'est une forme qui n'existe pas. Dans le corps, le double éthérique est créé à partir du double amique. C'est une supramentalisation du phénomène de l'âme. Chaque fois qu'un double éthérique est créé, il y a une partie du monde des morts qui échappe au monde des morts. Ton âme est tout à fait régie par le monde des morts, et c'est pourquoi, à ta mort, tu te diriges comme un fou, comme une folle, vers ce monde des morts. Et là, tu rencontres toutes les personnes que tu as vues, tout ça. Ce sont des mémoires qui ne sont pas effaçables pour t'attirer. Parce que lorsque tu rentres dans le monde des morts, tu vois ta mère, ou tu vois tes grands-pères, ou tu vois tes amis qui sont morts, et tu vois ton chien, tu vois ton perroquet, tu vois ta perruche. Mais ces phénomènes que tu vois, tu ne les vois pas longtemps. Tu les vois, et les autres t'attirent, et ils viennent te voir, il y a des êtres lumineux qui viennent te chercher, tu dis, c'est impeccable, c'est au bout. Là, quand tu arrives à la frontière du monde des morts, donc lorsque tu as traversé le monde de l'énergie vitale, ton père esprit, qui est vital, ne peut pas pénétrer le monde des morts, et c'est là que tu vis ta deuxième mort. Et là, évidemment, il y a ton père, ta mère, tous tes amis, ton chien, ton perroquet, ta grenouille, qui sont là pour te recevoir et qui te disent de venir, que c'est bien. Ça, ce sont des images mémorisées au niveau du pré-plan du monde des morts et qui restent là. Parce que ces images n'ont pas évolué, tandis que tout l'esprit au complet ici, toute ton âme, non pas l'esprit, ton âme, lorsqu'elle arrive là, elle est attirée par ça. Elle voit la lumière et elle voit le monde qui se promène. Et évidemment, elle ne voit que ceux qui l'intéressent de voir, parce que par résonance vibratoire, elle va vers ceux-là. Et là, elle pénètre, elle leur fait confiance. Elle leur fait confiance. Tout le monde, tous les personnages qui sont là l'invitent, l'attirent, la guident, lui expliquent. Évidemment, de ton vivant, tu n'as rien compris, du monde une fois mort, tu ne comprends pas plus. Alors, ce qui fait que là, ce qu'on t'explique, ça a bien de l'allure. Alors, toi, tu pénètres. Mais là, pour pénétrer, on va dire, non, cesse de résister. Ça veut dire quoi, cesse de résister? Ça veut dire dissous ton périsprit. Laisse ton périsprit dans le monde vital. Il ne peut pas rentrer dans le monde des morts. Parce que le monde vital, c'est le monde des vivants. Comme le monde de la matière, c'est un monde beaucoup plus vivant que le monde astral. Alors, automatiquement, toi, tu décides, d'accord, j'y vais. Fait que là, tu fais une fuite dedans ton périsprit. Ce que tu peux faire aussi quand tu rencontres un maître, quand tu te fais envoûter par un gourou. Et par différentes autres techniques, ça peut se faire même au niveau de ton vivant. Certains en meurent, certains virent fous, certains s'en sortent. Bon, il n'y en a pas encore, mais ça c'est le domaine du possible. Alors là, toute ton âme, toute ta mémoire, toi, ton ego, avec toutes tes mémoires volatiles, tu peux naître dans le monde des morts. Alors, il n'y a plus de périsprit. Alors là, tu es dissous. Et tu meurs une deuxième fois. Celui qui, lorsqu'il meurt, voit, je reviens encore un peu sur le monde des morts, donc c'est relativement intéressant. Celui qui voit ce monde des morts et qui arrive et qui refuse de pénétrer dedans. Je dis ça pour ajuster l'information que je viens de donner. Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui meurent régulièrement tous les jours et lorsqu'ils m'entendent parler comme ceci, alors ils se disent tout, ben merde, moi je rentre plus. Mais si tu rentres pas, tu vas où vu que tu n'as pas de double éthérique? Alors voilà, il y a des personnes qui refusent obstinément de pénétrer ce monde des morts parce qu'ils ne veulent pas perdre leur périsprit. C'est inconscient, mais c'est un mécanisme de densification hautement orgueilleuse et hautement égoïque parce que celui qui est extrêmement orgueilleux et égoïque ne refuse radicalement une deuxième mort, une stasie, qui pense. Alors automatiquement, ce personnage va devoir rester dans le monde vital. Et c'est ce personnage qui devient un fantôme. Qui devient des mécanismes qui peuvent bouger la matière, parce que c'est au niveau du plan vital, et ils sont quand même intentionnels d'une façon personnalisée, c'est-à-dire que c'est quand même l'âme, c'est le fantôme, c'est donc la personne au complet. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'énergie de la planète Terre va simplement lentement gruger l'énergie vitale du père-esprit, étant donné qu'il n'est plus réénergisé par l'alimentation normale créée par le corps physique, c'est-à-dire que ton énergie vitale périsprique, celle-là, elle va être nourrie par ce que tu manges, parce que tu respires. Alors, dans le monde des morts, ton corps n'est plus là pour transformer, pour assimiler et nourrir et ton corps vital, donc ton corps physique au niveau énergétique et ton périsprit, ce qui fait que le fantôme, après 100 ans, 200 ans, beaucoup plus long, finit par disparaître. Et là, ben, tu rentres quand même dans le monde des morts, tu es maintenant accepté, Saint-Pierre t'ouvre la porte, tu rentres au ciel, et puis là, ben, l'on te bosse pour une deuxième fois. C'est fascinant, c'est... Mais est-ce que ça s'arrête là quand même? Il ne peut pas se continuer définitivement à mourir une troisième fois, etc. Non, et après être mort une deuxième fois, c'est fini. Il va rencontrer énergétiquement, mais plus consciemment, tous ceux qu'il a aimés, c'est-à-dire que par attraction. Et par la suite, eh bien, évidemment, il y aura encore de l'expérience. On veut nourrir le ciel, ce qui fait que toutes ces énergies-là vont être cristallisées, attirées par un processus vitalo-biologique qui va attirer... L'esprit va descendre, l'esprit en descendant amène une forme d'âme qui est relative à l'esprit, attirée par une particularité vitalo-biologique, donc l'enfant qui va naître. Et tu recrées un corps physique qui repossède un corps vital, qui repossède d'instinct une âme, et qui repossède aussi faculté mentale neuronique. Alors tu recommences le processus, sauf que, étant donné que tout cela est pluralitairement fusionné au niveau du monde des morts, bien, évidemment l'entité qui revient est un être nouveau que personne ne connaît. Alors, pourquoi? Parce qu'il est la fusion ou la préfusion d'un paquet de personnalités au niveau de sa réincarnation. Alors, il revit pour remourir, renaître. Jusqu'au jour où il va mourir peut-être, et il ne mourra pas une deuxième fois, parce que là, il ne sera plus attiré par la lumière du monde des morts. Il sera plutôt attiré par la lumière de son propre double éthérique. Alors, il s'en va vers le double éthérique, et comme j'expliquais tout à l'heure, si le double éthérique n'est pas complètement formé, alors il devra renaître chez l'humain pour retrouver son double éthérique par la suite. Alors, l'enfant est tout à fait normal, tout d'un coup, il va s'occuper des chemins de son père, comme le Nazaréen le dit. D'ailleurs, le Nazaréen, c'est un peu ce processus, d'ailleurs, c'est pas un peu, c'est tout à fait ce processus-là qui s'est passé. Alors, évidemment, il s'occupe des choses de son père, de son double éthérique, parce qu'il est un enfant, et à un moment donné, l'âme finit par être absous. À cette époque, par contre, au niveau du Nazaréen, l'âme a été rejetée dans un plan stationnaire non évolutif, non expérientiel, mais mémoriel du monde des morts. Ça, un jour, on pourra revenir sur ce mécanisme-là qui... Et puis, le Nazaréen a donc retrouvé son double éthérique. Il l'a finalisé en vivant avec l'humain, en vivant de l'émotivité avec l'humain, en vivant de l'émotivité et en vivant de l'émotivité. Expliquons ça, quoi. Vivant de l'émotivité avec l'humain, tu finalises ton corps éthérique? Ben, ça va de soi. Tu refinalises ton âme. Tu reconstruis ton âme. Je parle au niveau du Nazaréen, ce qui fait qu'il avait besoin de se créer maintenant une âme plus terrestre pour pouvoir avoir une énergie relativement suffisante, une énergie qui part du plan planétaire pour amener de l'expérience planétaire au double éthérique. Et après, il a reconstitué son double éthérique. Il l'a finalisé. Il y a quelque chose que tu as parlé tantôt qui était assez subtil. Je ne sais pas si tu pourrais redonner des clarifications là-dessus. Tu as parlé des énergies qui étaient coordonnées, incoordonnées, que l'ajusteur de pensée, c'était une énergie coordonnée. Est-ce que les plans inférieurs sont incoordonnés ou il y a des plans aussi supérieurs qui sont incoordonnés? Non, les seuls plans, les seules réalités absolues incoordonnées, d'ailleurs, il n'y a que les réalités absolues qui sont incoordonnées au niveau cosmique. Une réalité qui n'est pas absolue, qui donne l'apparence d'être incoordonnée, c'est une réalité dont on ne voit pas la coordination. Mais qu'elle existe quand même. Elle est coordonnée quand même, sauf qu'elle échappe à la conscience visuelle très localisée et restreinte de l'humain. Alors, il peut donner l'impression d'une incoordination. En réalité, elle est coordonnée. Toute forme de réalité expressive au niveau de notre contexte, comme au niveau de d'autres contextes d'expansion évolutive, sont des réalités coordonnées. Le seul phénomène qui est une réalité incoordonnée, c'est ce qui va, par exemple, baigner, ce qui va, les termes français, là, j'en invente, mais à un moment donné, ça dépasse, alors ce sera pas long. Ce qui entoure et baigne les univers, ce qui entoure et baigne les galaxies, c'est cette réalité absolue incoordonnée. Les questions ici, tu trouves à y avoir répondu globalement ou on a refouillé dedans? Ben non, on fouille. On peut refouiller. Qu'est-ce qui fait qu'en certaines circonstances ou avec certaines personnes, il y a une difficulté à communiquer? Là aussi, le manque d'ajustement. Le manque d'ajustement. Mm-hmm. Avec soi ou avec l'autre, ou les deux, le manque d'ajustement. Pourquoi la dualité dans la prise de décision et... Pourquoi n'arrive-t-on pas à formuler une question intelligente? Les questions sont toutes intelligentes, par contre, elles peuvent être mal formulées, ce qui n'est pas pareil. On n'arrive pas à formuler une question intelligente pour la simple raison qu'on pense trop à la question, ce qui fait qu'on doit se réchauffer. Se réchauffer, ça veut dire qu'on devrait discuter avec quelqu'un ou se parler à soi-même, et puis là, on se réchauffe, et puis là, on pose la question, puis là, on répète, puis là, on répète. À un moment donné, on a une question qui est tout à fait impeccable. Puis si on aurait l'énergie de poursuivre, on finirait aussi par avoir les réponses impeccables. Alors, il faut donc se réchauffer. C'est sûr que si on pense, bon là, je pose une question, fait que tu cherches la question posée, ça risque de ne pas venir. Pour la simple raison que tu penses, et la pensée est régie par le monde des morts. Alors, ce qui fait que si on veut parler d'une question régie par le monde supramental, ben non. Tant que tu n'es pas en contact avec ton ajusteur de pensée, tu n'auras pas de question supramentale. La question supramentale, ce n'est pas une attraction à une réponse. La question supramentale, c'est l'expression amique, l'expression colorée chez l'humain, du contact avec une énergie supramentale. Et cette expression, elle se résume soit en réponse à une question qu'on n'a jamais posée, soit une question qu'on n'avait jamais pensée, tout à fait normal. Et si on poursuit le contact avec cette même énergie, elle va s'exprimer en réponse. Et c'est pourquoi, dans la technique PMC, justement, on a cette pratique, PMC 6, on a cette pratique de... poser une question et de se répondre et de contre-attaquer et de revenir et de contre-attaquer et de s'amuser. Pourquoi certaines personnes rayonnent dans n'importe quelle couleur? Ça les regarde. Ça les regarde. Oui. De quelle façon doit être structurée ma parole pour qu'elle soit susceptible de me mettre en contact avec mon ajusteur de pensée? La parole ne doit jamais être susceptible. Bon. Si je donne la réponse à cette question, de quelle façon la parole peut-elle arriver à être suffisamment ajustée pour être susceptible de mettre la personne en contact avec son ajusteur de pensée? Ce qui peut arriver, comme j'expliquais d'ailleurs au cours au dernier PMC6, je crois. Enfin, je l'expliquais à quelqu'un, en tout cas. C'est que dans la technique du contact avec l'ajusteur de pensée, lorsqu'on le pratique, il peut se passer deux choses. Si on ne pratique pas... Bon, premièrement, au niveau PMC, il y a une technique maintenant, donc la méditation supramentale, une technique qui permet de partir à ce que vous êtes et d'arriver au contact avec l'ajusteur de pensée en dedans d'une heure et demie. À deux heures. La personne qui ne pratique pas toutes les étapes au complet et qui ne les pratique pas à la perfection, donc qui ne pratique pas les étapes préparatoires à la perfection, qu'est-ce qui peut arriver si elle essaie directement la technique du contact et qu'elle arrive à avoir un contact avec l'ajusteur de pensée? Deux choses. Si elle essaie, il peut arriver deux choses. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas, ce qui n'est pas grave, et il peut arriver aussi qu'elle devienne folle, ça n'en meurt pas, ce qui est plus grave. Esthétiquement, en tout cas. Donc, je ne réponds pas pour la simple raison que la patience, c'est un des mécanismes qui n'est pas... La patience, c'est une coloration d'une perception intelligente de l'illusion du temps. L'état de subir est aussi une forme de patience, mais qui n'a rien à voir avec la vraie patience. La patience, c'est la perception colorée, illusoire, incomprise de l'illusion du temps. Or, donc, la patience est un mécanisme à développer parce que la patience est un mécanisme qui n'est régi que par la perception supramentale du mécanisme illusoire qu'on appelle le temps. Il faut que le corps physique soit préparé. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'énergie supramentale descend par l'ajusteur de pensée, il vient chercher le mental. Donc, il oblige le mental sous l'ordonnance rigide de l'énergie supramentale, même si elle est ajustée par l'ajusteur de pensée, il oblige le mental à devoir augmenter son taux vibratoire parce que l'ajusteur de pensée, il est là pour ajuster le travail entre le contact supramental et le mental. Il n'est pas là pour ajuster le travail entre le contact supramental et l'ego. Ça, c'est le rôle de l'ajusteur psychologique, de l'intellect. Sauf que l'intellect voit sa mortalité lorsque l'énergie supramentale entre en contact avec le mental. Il n'y a plus d'intellect lorsque l'ajusteur de pensée entre en fonction. Alors, soit que vous êtes de niveau à fonctionner au niveau de l'ajusteur psychologique, l'intellect, soit que celui-ci meurt pour pouvoir vous laisser libre de fonctionner avec votre ajusteur de pensée. Le niveau mental étant augmenté en vibration parce que l'énergie supramentale ne peut pas communiquer avec seulement un petit point à travers votre mental, donc il communique avec la capacité maximum de votre neuronique mentale. Pour augmenter en vibration, de prime abord, il y a attraction entre l'énergie supramentale et l'énergie mentale régie par l'ajusteur de pensée. Le mental est résonnant trop bas, le supramental résonnant trop haut, l'ajusteur de pensée va permettre au supramental de venir chercher le mental. Ce qui fait que l'énergie mentale doit s'auto-énergiser pour pouvoir augmenter en vibration pour aller chercher l'énergie supramentale. Lorsque les deux se touchent, alors, automatiquement, tout le reste va être énergisé. Mais le contact avec l'ajusteur de pensée n'est pas un contact avec une énergie supramentale pure. C'est un contact avec un intermédiaire entre le mental et l'énergie supramentale, donc un intermédiaire entre la planète Terre et l'extraterrestrialité. Cela veut dire que l'énergie mentale augmentant, il se doit de puiser de l'énergie pour quelque part, pour arriver à augmenter. Il doit se chauffer. Il doit voler de la chaleur, quelque part. Il doit prendre de l'énergie quelque part. Et cette énergie, quelque part, il la prend de prime abord chez l'intellect, détruisant l'intellect. L'intellect augmente en vibration, donc ce n'est plus de l'intellect, c'est du mental. Il doit maintenant, ce n'est pas suffisant, à moins que vous ayez une maudite de bon intellect. Mais même le plus gros intellectuel n'a pas assez d'intellect pour ça. Alors l'énergie mentale continue sa progression, et pour pouvoir continuer parce qu'il est maintenant suctionné, siphonné par l'énergie supramentale au travers de l'ajusteur de pensée, il n'a pas le choix, il y va. Ça, c'est si ça marche. S'il y va, c'est qu'il a besoin d'énergie, alors il va maintenant puiser dans l'âme, dans votre phénomène astral. Détruisant par le fait même, l'ego. Détruisant toutes les interrelations. L'ego va rester. Il va détruire toutes les interrelations, les connexions, les possibilités manipulatrices de l'ego. C'est-à-dire qu'il va commencer par aller chercher tout ce qui permet le contact entre le périsprit, qui est d'ordre vital, et tout le plan vital de l'être humain. Le périsprit et l'âme vont se retirer du corps. Donc, vous avez un voyage astral lorsque vous avez contact avec l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que vous avez une extra-conscientisation astrale, votre âme, l'âme se sauve. Ce qui fait que l'énergie mentale, qui ne peut presque plus toucher à l'âme, mais qui a libéré l'âme du contact de la conscience, doit donc maintenant puiser dans le corps vital. Et c'est là le problème. Ça puise dans le corps vital, ça puise au niveau neuronique. Votre cerveau peut subir des pertes irrévocables et très, très, très dommageables au niveau des neurones et des cellules gliales, ce qui fait que la personne devient folle. Elle peut fonctionner. Elle marche plus en dedans. Elle y avait quand j'ai... Bon. Sinon, elle va prendre suffisamment d'énergie vitale dans une autre région du corps et elle va opérer une expression de maladie dans le corps. Et ça peut tuer. Alors, si la personne n'est pas prête et que ça marche, ou elle vient folle ou elle meurt. Puis si ça ne marche pas, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Sauf que, il faudra inventer une nouvelle technique pour elle. Parce qu'elle va dire, mais ça ne marche pas. Alors, elle ne voudra plus la pratiquer. Elle ne voudra plus prendre du temps à la pratiquer. Il faudra inventer une nouvelle technique pour elle. Et moi, je n'inventerai pas d'autres techniques. Un autre fera à un moment donné, quand il y aura suffisamment d'humains qui auront goûté à la première et qui l'auront goûté tout croche travers. Et un autre inventera une nouvelle technique. Et un autre après. Et un autre après. Et à un moment donné, on aura plusieurs techniques pour arriver au contact. Et là, les êtres humains devront magasiner parce qu'ils ne sauront pas laquelle qui est la bonne. Ils seront tous bonnes. Ça dépendra simplement des facultés primordiales, donc premières, des personnes qui voudront s'asseoir sur une technique. J'expliquais vendredi dernier que l'évolution est un phénomène mécanique. Tout ce qui est mécanique est technicalisable, donc on peut en prévoir les conséquences, ce qui fait que, pouvant prévoir les conséquences, on peut donc élaborer une technique qui nous permet d'arriver à ces conséquences. Donc, les techniques sont bonnes, à la condition qu'une technique instruise l'humain à se débarrasser, donc à se passer d'elle. Ouais. Ici, ce désassujettissement du monde des morts et de son... personne en farce, ça marque le pire esprit, là. Pire esprit. Ouais, le pire esprit, ouais, c'est pas pire, ça. C'est une bonne farce. Peut-il se faire graduellement à l'insu du conscient? L'ajusteur de pensée qui prend forme, alors l'ajusteur de pensée prend forme petit à petit. Dans certains écrits que je fais, il y a une part du vide. De quel vide s'agit-il? Bon, le désassujettissement du monde des morts, c'est-à-dire que moins vous allez penser tout en restant efficace, tout en restant plugué, parce qu'il y a des êtres humains qui... l'humanité pense qu'elle pense, et il y a même des humains qui osent penser qu'ils ne pensent plus. Tout se fait graduellement jusqu'au moment où vous pouvez énergiser votre mental. Ce n'est pas le mental qui pense, le mental ne pense pas. Le mental, de prime abord, exprime dans la conscience, dans sa conscience, les énergies de connexion. Le mental, c'est une énergie qui ne fait que réfléchir. Il ne pense pas, il réfléchit, ce qui n'est pas pareil. Il ne crée pas ce qui va être réfléchi, il réfléchit. Alors, le mental réfléchit l'énergie supramentale ou l'énergie astrale? L'énergie astrale pense. Pensant, elle imprime sa pensée dans l'énergie mentale et le mental, de prime abord, pense qu'il pense. Et c'est pourquoi l'être humain pense qu'il pense. Lorsque le mental est suffisamment énergisé, et c'est là le mécanisme qui permet à l'humain d'arriver à se libérer de son vivant, d'arriver à commencer à se libérer du monde des morts, lorsque le mental est suffisamment énergisé, il cesse de réfléchir à la pensée astrale. Alors, automatiquement, il va réfléchir un phénomène énergétique, il va réfléchir le passage d'une énergie qui n'est pas une énergie de pensée, qui n'est pas le ressassement de vieilles choses mortes. Il va donc réfléchir l'énergie supramentale, il va donc réfléchir l'intelligence. Bon, dans certains cris que je fais, il y a une peur du vide. De quel vide s'agit-il? Ça, pour ça, il faut que je vous entende crier pour vous dire à ce moment donné-là qu'est-ce qui se passe. La personne qui crie et qui sent le vide, c'est qu'elle expulse suffisamment de parties égoïques de chez elle, ou elle expulse suffisamment, ça ne veut pas dire beaucoup, ça veut dire suffisamment pour que l'ego découvre qu'il lui manque une chose, quelque chose. Ce vide crée automatiquement chez l'ego le renflouement de ce vide, renflouement par l'attraction d'une énergie, et la peur est l'une des énergies les plus faciles à créer au niveau de l'émotivité humaine, ce qui fait que la personne peut donc avoir peur de ce vide, c'est qu'en réalité, elle remplit ce vide. Remplissant ce vide, elle expérimente qu'il y a eu un vide, et le vide disparaît lentement par la suite, au fur et à mesure qu'il sera comblé. Le kiai, donc le cri, c'est un mécanisme qui permet, lorsqu'il est bien fait, d'exprimer énormément d'ego périphérique qui tend à vouloir s'incruster à nos mémoires expérientielles. Alors évidemment, lorsque le cri est convenablement bien exécuté, il permet aussi d'éliminer différentes vibrations astrales qui auraient une tendance, qui viennent directement du monde de l'astral de la personne, mais qui sont présentement en voix d'être exprimée par le système nerveux et endocrinien de la personne. Lorsque la personne va crier, elle expulse ces mécanismes, ce qui fait que non seulement l'expérience de cette âme, de ces particules amiques astrales qui étaient en voie d'être exprimées par le corps le nerveux et endocrinien de la personne, non seulement sont perdues, mais en plus n'ont pas abouti comme ils devaient aboutir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recréé de l'expérience pour renourrir l'âme. pardon. Alors l'âme émet une vibration qui descend dans le corps physique, qui descend dans le système endocrinien ou qui descend dans le système pour dire que tu as faim, pour dire que tu as envie, pour dire que tu es fatigué, pour dire des choses, ou simplement pour te faire bouger sans que ça te regarde. Et cette énergie, elle descend dans le corps physique pour pouvoir obliger le corps physique à créer de l'expérience pour nourrir l'âme. Alors l'âme est donc prête à laisser une petite partie d'elle venir créer plus de nourriture pour elle. Ça, c'est le but fondamental. Du travail, de l'expression de l'âme dans le corps physique. Et il y a plusieurs stimulations qu'on peut amener. Lorsque la personne, elle est dans ce niveau-là, consciemment ou inconsciemment, et qu'elle crie, mais elle expulse cela. Donc, l'âme perd ce qu'il lui avait donné, puis en plus, il perd ce qu'il pensait avoir. Alors, ce qui fait que pour certaines personnes, qui sont relativement en résonance mentale lorsqu'ils vont crier, ça crée un phénomène de plénitude, de puissance. Le mental est encore plus libéré. Tandis qu'une personne qui n'a pas tout à fait dans sa vibration mentale lorsqu'elle fait le cri, ça va venir par la pratique, bien évidemment, c'est vide et puis le mental ne sent pas la plénitude nécessairement, tandis que l'âme voit bien qu'il manque de quoi. Ce qui fait peur, la peur renourrit automatiquement, ça crée l'expérience qui manquait. Comment peut-on faire pour rendre l'ouverture du troisième œil moins douloureuse? Est-ce qu'il y a une technique? Quelle est cette technique? Est-ce que cette ouverture est une étape essentielle? Bon, premièrement, l'ouverture du troisième œil, ce n'est pas douloureux. Sauf évidemment si on va au Tibet et qu'on se le fait ouvrir à coups de marteau dans le front. Bon. Là, ça peut être relativement douloureux. Le troisième œil, en réalité, il a été biologié, il a été matérialisé, il a été corporifié. Et on pense que c'est un mécanisme entre les sourcils qui est en connexion avec la glande pinéale. Et qui permettrait de voir les auras, qui permettrait d'avoir une clairaudience, une clairvoyance, une clairscience. Le troisième œil est en réalité le troisième œil biologique est en affinité chez les animaux avec la glande pinéale, parce qu'il détecte la lumière. Chez l'humain, il détecte aussi la lumière, surtout au niveau de l'adolescence, où il va cesser de fonctionner le jour. La glande pinéale cesse de sécréter des hormones antisexualité, disons, plus d'autres formes d'hormones le jour pour en sécréter la nuit. Le troisième œil, tel qu'on le conçoit au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience, est relié à la glande hypophyse. C'est un mécanisme tout à fait astral et qui n'a rien à voir avec l'évolution supramentale. Le troisième œil, tel qu'on pourrait l'employer aussi, disons que certaines personnes ont déjà parlé du troisième œil, mais dans un autre ordre d'idée, c'est qu'il parlait de la perception du cerveau éthérique, du troisième cerveau. Le troisième cerveau va avoir une connotation vibratoire avec la glande pinéale, mais ça n'a rien à voir avec un œil ou un troisième œil. Pour qu'il s'ouvre, il s'ouvrira seul, et je répète que la majorité des personnes qui veulent que leur troisième œil s'ouvre n'ont jamais pensé ce qui va se passer lorsqu'ils l'auront ouvert et qu'ils ne pourront plus le fermer. Une personne à qui on pourrait ôter les paupières aurait un petit peu l'idée, mais c'est pire que ça, aurait un peu l'idée de ce que ça donne d'avoir des yeux ouverts sans pouvoir les fermer. Alors, dans le monde matériel, elle peut se mettre des lunettes noires, elle peut se mettre des choses, mais imaginez-vous que vous n'avez plus de paupières puis que vous n'avez rien à faire et qu'il fait toujours clair. Dormez en paix, ça va être très compliqué. Alors, vous allez juste avoir un seul rêve, vous crevez les yeux. Le troisième œil, le troisième cerveau, on ne le développe que par une technique mentale, que par une pratique mentale, que par une augmentation de vibration. Cela veut dire que par une vie qui permette l'augmentation vibratoire. Et on ne peut pas l'ouvrir c'est pas souffrant. La résistance au contact supramental par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée pour la création de ce cerveau éthérique, la résistance de l'astral peut être souffrant pour l'astral. Mais c'est tout. Pas l'opération même de la cristallisation éthérique du troisième cerveau, non. Même que ça chatouille, c'est plaisant. On prend une autre pause. Si vous avez des questions suscitées par la deuxième partie, vous les laissez en avant ici. Merci. Thank you.